faut nous en retourner. Je referai le même parcours, mon amour. Comme un enfant sauvage, tu traverses tous les âges. S'il te faut choisir une cage, avec toi je la partage. Mon amour, s'il faut nous en retourner, je partage le compte à rebours, mon amour. Comme un enfant sauvage, je traverse tous les âges. S'il me faut choisir. Shine.